Alors, nous avons vu donc qu'à la mort de Childebert en 596, l'Austrasie et la Bourgogne d'ailleurs sont plongées dans un véritable chaos. Alors, même si la reine Brunehaut reprend en main la situation, les Austrasiens ne peuvent s'empêcher d'y voir un signe de mauvais augure. Les Neustriens, eux, jubilent. Désormais, le royaume de Childebert est à nouveau partagé en deux. Certes, entre Tibère II, roi d'Austrasie, et Thierry Ier, roi de Bourgogne, qui sont tous les deux des fils de Childebert, mais ces deux fils ne s'entendent pas. Surtout que Thierry a une enclave en Austrasie, qui est l'Alsace, et Tibère II ne le supporte pas. Ensuite, les anciens vassaux de Chilpéric, les Neustriens, peuvent aussi compter sur ce parti pro-neustrien qui est encore très présent dans la cour d'Austrasie et dont la tête de file est évidemment Égide, l'évêque de Reims. Enfin, il y a cette hostilité évidemment des nobles contre Brunehaut, parce que ces nobles ne supportent pas l'idée d'être dominés par une femme. Clotaire, lui, a plutôt l'impression d'avoir le vent en poupe. Il a vaincu un célèbre général austrasien en 597. Et encouragé par ces signes favorables, décide de déclarer la guerre à ses deux cousins, Thierry et Tibère, pour récupérer une partie de son territoire de Neustrie. Mais il est défait en 600. Et en 604, à l'occasion d'une nouvelle guerre, Clotaire est à nouveau vaincu, et son fils Mérovée est fait prisonnier et est assassiné. Un enfant de 4 ans assassiné par les hommes de Thierry. Ne pouvant pas faire une guerre de fait, c'est-à-dire une guerre de vengeance privée, d'autant plus que cette guerre de vengeance privée a été rendue hors la loi par la décrétion de Childebert en 595, eh bien, il décide de se rapprocher de son ennemi et devient le parrain de son fils, qui prend alors le nom de Mérovée, le même nom que celui du fils que Clotaire a perdu. En 610, alors, une nouvelle alliance militaire a lieu entre Clotaire, le roi de Lombard, et Thierry, contre Tibère. En effet, Tibère a décidé de récupérer l'Alsace. Il ne supporte pas cette enclave de la Bourgogne dans son territoire d'Austrasie. Face à une coalition de trois rois, Tibère est défait. Il est fait prisonnier et il est assassiné, lui et toute sa descendance. Toute sa descendance est assassinée. Puis Clotaire décide de se retourner vers Thierry en lui disant, en lui rappelant, écoute, les termes de l'alliance sont clairs, tu étais censé me rendre le nord de la Neustrie. Quand est-ce que tu vas me les rendre? Et Thierry lui dit, écoute, non, je ne vais pas te les rendre. Et en plus, non seulement je ne vais pas te les rendre, mais en plus je vais me battre pour ne pas te les rendre, justement. Et alors qu'il est en préparatif. Il prépare en réalité une nouvelle guerre contre son cousin Clotaire. Thierry meurt de dysenterie à Metz en 613. À nouveau, l'Austrasie et la Bourgogne sont plongées dans un chaos absolument inimaginable. Un chaos tel que Brunehaut doit faire face à une fronde contre elle, menée par qui? Par un homme qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'a déjà rencontré à la cour de Bourgogne, et elle le retrouve à nouveau à la cour d'Austrasie, qui la suit comme son ombre, mais qui l'a toujours regardée d'un œil finalement mauvais, qui est le maire du palais, Vermarchère. Vermarchère, d'ailleurs, est à ce moment-là peut-être déjà le gendre de Clotaire. Il a épousé sa fille Berthe. Ou bien sa fille, ou bien Berthe est promise en mariage à Vermarchère. Mais dans tous les cas, ce Vermarchère prend la tête d'une fronde pro-neustrienne dirigée contre Brunehaut. Ce qui fait qu'elle finit par s'enfuir en Suisse, dans le Jura suisse. Mais à ses trousses, une énorme armée, commandée par le connétable Harpon, aux ordres de Clotaire, se précipite en Suisse, pour récupérer justement Brunehaut. Et même si on sait que les Suisses sont de redoutables guerriers, qu'il ne faut pas les provoquer inutilement, eh bien, les Suisses n'ont pas particulièrement envie de se mettre à dos leurs puissants voisins. Ils leur livrent donc assez rapidement Brunehaut, ainsi que ses petits-enfants, Sigebert, Schramm, Mérovée et Childebert. À peine ont-ils été ensuite livrés à Clotaire que Clotaire décide d'assassiner Sigebert, qui avait été hissé sur le trône d'Austrasie, et qui a donc avait été roi pendant quelques mois. Il assassine Sigebert et ensuite il assassine Schramm. Il n'assassine pas Mérovée, qui est son filleul, et souhaite assassiner Childebert, mais Childebert a réussi à s'enfuir. Donc, à ce moment-là, Clotaire se rend maître, en réalité, donc de tout le royaume franc, de tout le Regnum Francorum. Il décide, d'ailleurs, par contre, de juger Brunehaut devant une vaste assemblée de grands du royaume du Regnum Francorum, c'est-à-dire des Austrasiens, des Neustriens et des Bourguignons. Elle est accusée de divers crimes, elle est reconnue coupable et elle doit être suppliciée. Son supplice, avoir une main et un pied attachés, une jambe attachée à la queue d'un cheval fou. Ainsi, traîné sur plusieurs mètres, le corps de la reine est démembré. Ce supplice ne devait pas seulement être horrible à voir, il avait pour but de montrer que celle qui prétendait dominer les éléments, les hommes et les bêtes, par son titre de reine, n'était même pas capable de maîtriser un cheval fou. De reine, elle n'en avait donc que l'apparence, sans la légitimité qui revenait au seul Clotaire. Dès lors, une campagne de propagande tente de décrédibiliser Brunehaut dans tout le royaume franc. Et voilà, donc Clotaire, par cet acte 1 de son règne, c'est-à-dire le procès de Brunehaut, essaye d'asseoir sa légitimité en décrédibilisant justement la légitimité de cette reine, dont finalement dont la valeur et dont les compétences d'excellent administratif étaient reconnues même par ses pires ennemis. Clotaire, à côté, en comparaison, fait un peu pâle figure. Mais, et c'est pour ça que. Alors, Clotaire va essayer d'installer sa légitimité, et qui sera en réalité toute sa vie remise en cause. Il n'arrivera jamais vraiment à convaincre qu'il est vraiment un légitime roi des Francs. Et au point qu'il devra d'ailleurs en 614 réunir à nouveau les grands du royaume et surtout les grands du royaume d'Austrasie pour leur octroyer une espèce de charte qui s'appelle, qui est à nouveau un édit royal, une décrétion qui est connue sous le nom de décrétion de Clotaire et qui est saluée aujourd'hui encore par certains historiens comme une forme de Magna Carta. Où il reconnaît d'ailleurs des droits aux magnats, aux puissants, aux princes et aux princes de l'Église. C'est un texte aussi d'une grande importance dans l'histoire du Moyen Âge, du Haut Moyen Âge, aussi important d'ailleurs que la dégression de Childebert qui a été prise 9 ans avant, et qui va faire d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Vous allez voir en quoi ces deux textes vraiment impliquent une transformation complète des rapports entre les habitants de ce Regnum Francorum. Merci et à bientôt.